10 minutes après l'envoi de cette fatale lettre, le baron Hulot vint. Madame Marneffe s'élança, par un mouvement de chatte, au cou du vieillard. « Hector, tu es père !» lui dit-elle à l'oreille. « Voilà ce que c'est que de se brouiller et de se raccommoder !» En voyant un certain étonnement que le baron ne dissimula pas assez promptement, Valérie prit un air froid qui désespéra le conseiller d'État. Elle se fit arracher les preuves les plus décisives, une à une. Lorsque la conviction, que la vanité prit doucement par la main, fut entrée dans l'esprit du vieillard, elle lui parla de la fureur de Monsieur Marneffe. « Mon vieux grognard, lui dit-elle, il t'est bien difficile de ne pas faire nommer ton éditeur responsable, notre gérant, si tu veux, chef de bureau et officier de la Légion d'honneur, car tu l'as ruiné, cet homme. Il adore son Stanislas, ce petit monstricot qui tient de lui, et que je ne puis souffrir. À moins que tu ne préfères donner une rente de 1200 francs à Stanislas, en nue propriété, bien entendu, l'usufruit en mon nom. Mais si je fais des rentes, je préfère que ce soit au nom de mon fils, et non au monstricot, dit le baron. Cette phrase imprudente, où le mot « mon fils » passa gros comme un fleuve débordant, fut transformée, au bout d'une heure de conversation, en une promesse formelle de faire 1200 francs de rente à l'enfant à venir. Puis cette promesse fut, sur la langue et la physionomie de Valérie, ce qu'est un tambour entre les mains d'un marmot, elle devait en jouer pendant 20 jours.